الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. سيدي أمير الأنبياء Maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad al-nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahara, au nom des sables du désert, wa auladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyu al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Al-hayatu al-dunya tunsina umuran badihiya. La vie ici-bas nous fait oublier des choses de base, basiques. Al-insan bifadli quwwatihi. L'homme, par le biais de sa force, mali, par le biais de sa fortune, bishababihi, par le biais de sa jeunesse, bisihatihi, par le biais de sa bonne santé, biilmihi, par le biais de son savoir, sa science, yaghousu fi bihari ad-dunya, fi bihari al-hayat, fi bihari al-hayati ad-dunya, avec tout ça il plonge dans l'océan ou les océans de la vie ici-bas. Yajri wara hajiyatihi. Il court derrière ses besoins. Shahawatihi. Ses désirs. Ahdafihi. Ses objectifs. Ahlamihi. Et derrière ses rêves. Wa hakada yasiru fi rihlati al-hayat bi sur'atin kabira. Et ainsi, il se déplace dans ce voyage de la vie à grande vitesse. Wa yusbihu mashghoulan. Et avec cette vitesse, il devient préoccupé, ou bien occupé. Laysa lahu al-waqt. Il n'a plus le temps. Al-yawm la yakfi. La journée ne lui suffit pas. Al-usbu' la yakfi. La semaine ne lui suffit pas. Al-umru kulluhu la yakfi. Et la vie, sa vie entière, ne lui suffit pas. 70 ans, 80 ans, etc. C'est pas suffisant. لأن له أهدافا سطرها يحتاج لملايين السنين من أجل الوصول إليها. Parce qu'il a tracé ou il a dessiné des objectifs, il a besoin de millions d'années pour atteindre ses objectifs. Il s'est donné beaucoup d'objectifs dans cette vie ici-bas. يعني أعطى نفسه أهداف وأهداف وغايات خصو مليون عام وما يوصلش لها. أخي أختي. Frère, sœur, idan anta fi alam al-nisyan. Frère ou sœur, donc tu es noyé dans le monde d'oubli ou de l'oubli. Wal'an na'khudhu bid'ata daqa'iq min hayatina linatadhakkar. Et maintenant qu'on prenne quelques minutes de notre vie afin qu'on se rappelle. Al tadhkuru yawma kunta la shay'an. Est-ce que tu te rappelles, mon frère ou ma sœur, du jour où tu n'étais rien? Est-ce que tu te rappelles? Man khalaqak? Qui t'a créé? Khalaqta nafsaka bi nafsik? Est-ce que tu t'es auto-créé par toi-même? Khalaqatka Amerika? Est-ce que c'est les États-Unis d'Amérique qui t'a créé? Khalaqaka tib? Est-ce que c'est la médecine qui t'a créé? Man khalaqak? Qui t'a créé? Khalaqak Allah, khalaqak al-Khaliq. C'est le créateur lui-même qui t'a créé. Allah, na'am, Allah, oui, Allah. Huwa alladhi khalaqak. C'était lui qui t'a créé. Wa lam takun shay'an. Et tu n'étais rien auparavant. Hal tadhkur yawma kunta ma'an yajri fi anabib dayyiqa. Est-ce que tu te rappelles, mon frère ou ma sœur, le jour où tu étais un liquide qui se déplaçait dans des canalisations étroites? Est-ce que tu te rappelles du jour où tu étais dans la matrice ? Dans l'obscurité totale. Est-ce que tu te rappelles de celui qui t'a donné cet aspect, cette image ? Est-ce que tu te rappelles de celui qui a soufflé en toi l'esprit de la vie ? Innahu Allah. C'était Allah. Hal tadhkur man awsala laka at-ta'am ila dakhil ar-rahim wa la ahad fi al-'alam yastati'u dhalik. Est-ce que tu te rappelles des moments, 9 mois, de celui qui t'a acheminé le repas, l'alimentation jusqu'à l'intérieur de la matrice et personne dans le monde ne le pouvait? Innahu Allah. C'était Allah. Hal tadhkur من خلق الرحمة والحب في قلب والديك لخدمتك بعد ولادتك. Est-ce que tu te rappelles de celui qui a créé la passion, la clémence, l'amour dans le cœur de tes parents juste après ta naissance pour être à ton service, pour que tes parents soient tes serviteurs? Innahu Allah. C'était Dieu, Allah. Hal tadhkur man a'taka 'aqlan. Est-ce que tu te rappelles de celui qui t'a doté d'une raison? Istata'ta bihi ta'allum al-kalam. Cette raison grâce à laquelle tu as appris à parler. Wa fahma al-ashya, et à comprendre les choses. Wa al-an sirta tafhamha. Et maintenant ça y est, tu comprends tout, hein. Tu es au-dessus de tout, hein. من أعطاك عينا بها ترى. Qui t'a donné un œil avec lequel tu vois? وتخيل لو لم يكن لك بصر. Imagine dans le cas où tu étais privé de la vue. من أعطاك أذنا بها تسمع. Qui t'a donné une oreille avec laquelle tu entends? من أعطاك لسانا به تتكلم. تخيل لو كنت أبكر. Qui t'a donné une langue avec laquelle tu parles? Imagine si tu étais muet. Et avec laquelle tu arrives à connaître les goûts. Qui t'a doté du nez avec lequel tu sens les odeurs et les parfums? Et avec lequel tu arrives à respirer de l'air afin de survivre. 7 sur 7, 24 sur 24. Et le nez fonctionne sans que tu agisses, sans que tu changes de pile, etc. من أعطاك اليدين بهما تفعل ما تشاء. Qui t'a donné ces deux mains avec lesquelles tu fais ce que tu veux? Imagine-toi privé des deux mains. Qu'est-ce que tu deviens? من أعطاك رجلين بهما تمشي حيث تشاء. Qui t'a donné 2 pieds avec lesquels tu peux aller là où tu veux? من أعطاك الصحة تتحرك بها كيف تشاء. Qui t'a donné la bonne santé avec laquelle tu bouges comme tu veux? من أعطاك المال تشتري به ما تشاء. Qui t'a donné l'argent avec lequel tu achètes ce que tu veux? من أعطاك زوجة. Qui t'a donné une femme dans le mariage? من أعطاك زوجا. Qui t'a donné un mari? وكم من امرأة لا زوج لها وتتمنى الزواج وكم من رجل لا زوجة له ويتمنى الزواج. Et combien d'hommes n'arrivent pas à se marier, ne trouvent pas une femme qui les accepte? Et combien d'eux? Et le contraire aussi. من أعطاك أولادا. Qui t'a donné des enfants? وكثير من الناس لا أولاد لهم. Et beaucoup de gens souhaitent les enfants parce qu'ils sont stériles. من أعطاك والدين وعائلة. Qui t'a donné des parents qui t'aiment et qui t'aident et t'a donné une famille? Il y a des gens orphelins qui n'ont jamais connu leurs parents. من أحبك. Qui t'a aimé? فأرسل لك أحب رسوله. l'hidayatik. Lorsqu'il t'a aimé, il t'a envoyé le plus aimé à lui de ses messagers pour t'orienter, pour te guider. L'inajatika minallar, pour te sauver de l'enfer. Man ja'alaka musliman wa an-nas takrahu al-islam fi hadha az-zaman. Qui t'a rendu musulman et les gens détestent l'islam à notre époque. Man yamuddu fi hayatik daqiqatan daqiqa. Et la chose la plus importante, qui prolonge ta vie minute après minute, beltaniya taniya, plutôt qui prolonge ta vie seconde après seconde, fi ayi waqtin yumkin an yuqif hayatak, à chaque moment il peut arrêter ta vie. حياتك بين يدي. Ta vie, mon frère ou ma soeur, se trouve entre ses mains. ولكنه لم يوقفها حتى الساعة. Et il ne l'a pas arrêté jusqu'à maintenant. Qui? Allah. أخي أختي. Frère, soeur. تحب الحياة? تحب كثيرا الحياة? فإنه هو الذي يهبك الحياة. Tu aimes beaucoup la vie, frère ou soeur? C'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui prolonge ta vie. Et il voit ce que tu fais. Est-ce que tu mérites la vie ou pas? Qui prolonge ta bonne santé? Seconde après seconde. À chaque moment, il peut t'éprouver par une maladie incurable. ولكنه لم يفعل حتى الساعة. Mais il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. أخي أختي frère sœur, تحب الصحة, tu aimes avoir la bonne santé. فإنه هو الذي يهبك الصحة. C'est lui Allah qui te donne la bonne santé. من الذي لا يفارقك ليل نهار. Qui est celui qui ne se sépare pas de toi, qui est toujours avec toi jour et nuit, 7 sur 7, 24 sur 24, fi madinatik wa fi safarik, yahmika min kulli al-akhtar. Il est avec toi dans ta ville, au lors de ton voyage loin de ta ville, à côté de toi, il te protège de tous les dangers qui te guettent. إِنَّهُ اللَّهِ, c'est Dieu, c'est Allah. أخي أختي, frère, sœur, انتظر قليلا. Attends un peu. لك أهداف, tu as des objectifs. كما رأينا جعلتك مشغولا ناسيا لكل شيء. Tu as des objectifs qui t'ont rendu occupé, qui t'ont fait oublier toute chose. وليس لك وقت, et tu n'as pas du temps à perdre. هذه الأهداف التي وهبت لها حياتك, ces objectifs pour lesquels tu as consacré ta vie, أمرك الله بها, est-ce que ces objectifs pour lesquels tu vis, est-ce que c'est Dieu qui t'a ordonné ces objectifs? طلب الله منك هذا, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé cela? A الله راض عن أهدافك, est-ce que Dieu le Très-Haut est satisfait de tes objectifs? انتظر قليلا, attends un peu. ما هي الأهداف التي طلب الله منك? Quels sont les objectifs que Dieu t'a demandé? ربك الذي أحبك, ton Seigneur qui t'a aimé. وأعطاك كل ما رأينا من صحة, et il t'a donné tout ce que nous avons vu comme bonne santé, mal, argent, طعام, repas, حيات, vie, islam, إلى آخره, etc. ماذا طلب منك ربك? Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que ton Seigneur t'a demandé en contrepartie? Fi kulli hayatik lam tajid waqtan saghiran litas'ala nafsak. Dans toute ta vie, tu n'as pas trouvé un petit moment pour t'interroger cette question? Qala laka rabbuka fi aya. Ton Seigneur t'a dit, frère ou sœur, dans un verset coranique, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. خلقك للعبادة. Il t'a créé pour l'adoration. أحبك, فضلك. Il t'a aimé, il t'a préféré pour son adoration. انظر, regarde. أعطاك مليون شيء وطلب منك شيئا واحدا. Regarde, il t'a donné des millions de choses. Ce que nous avons cité, ce que nous avons oublié de citer. Et en contrepartie, il t'a demandé une seule chose. العبادة, l'adoration. ولك الجنة, et tu auras en contrepartie le paradis. ورفضت, et tu as refusé. هل من اللائق أن تستغل ملايين الأشياء التي أعطاك الله est-il logique, est-il concevable que tu vas utiliser les millions de choses que Dieu t'a données لتبتعد عن الهدف الذي طلب منك afin que tu t'éloignes de l'objectif qu'il t'a demandé وتنسى بكل سهولة هدفك ومهمتك في الحياة et avec toute facilité tu vas oublier ton but ta mission dans cette terre, est-il convenable, frère ou sœur, que tu n'aimes pas celui qui t'a aimé et qui l'a démontré lorsqu'il t'a donné des millions de choses ? Est-il concevable, frère ou sœur, est-il concevable que tu oublies celui qui ne t'oublie jamais et qui ne te quitte jamais. هل من اللائق أن لا تتبع الذي يعطيك يعطيك كل شيء في هذه الدنيا. Est-il logique que tu ne suives pas celui qui t'a tout donné dans cette vie ici-bas. أخي أختي frère sœur. اخرج من عالم النسيان الى عالم الذكر mon frère ou ma sœur sort du monde de l'oubli vers le monde du rappel et de la conscience انزل من قطار الغفل السريع descend de ce train TGV de distraction d'inattention انتبه fais attention استيقظ réveille-toi أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu أخي أختي frère ou sœur ما تقول في إبليس لما عصى quelle est ton opinion à propos d'Iblis, le grand Satan, lorsqu'il a désobéi, qu'est-ce que tu penses de lui ? Il a refusé l'obéissance. Certainement, tu dis de lui qu'il est mécréant, qu'il est injuste, qu'il est pervers, etc. إنك ترفضه certainement tu le refuses en tant que musulman وتكرهه certainement tu le détestes لأنه عصى الله parce qu'il a désobéi à Dieu ولكن أخي أختي mais mon frère ou ma sœur ما الفرق بينك وبينه quelle est la différence entre toi et lui إذا كنت أنت كذلك تعصي أوامر الله dans le cas où toi aussi tu désobéis aux ordres de Dieu et tu refuses l'obéissance à Allah. Akhi, urti, tub il Allah. Frère ou sœur, repends-toi à Dieu. Il t'aime, Wallahi, il t'aime. Innahu yantadiru tawbatak, il attend ton repentir. Innahu yuhibbu at-tawwabin, il aime certainement, comme il l'a dit dans un verset coranique, les repentants. La tantadir, n'attends surtout pas. Akhi, urti, frère, sœur, et surtout les jeunes, nahnu kulluna nuhibbukum, nous tous, on vous aime. أنتم الأمل. Vous êtes l'espoir. أنتم رجال ونساء الغد. Vous êtes les hommes et les femmes de demain. أنتم مستقبل الإسلام في هذه الأرض بعدنا. Mes frères et mes sœurs, les jeunes, on vous aime, mais en même temps, vous représentez l'avenir de l'islam sur cette terre après nous. مهمتكم كبيرة. Votre mission est noble et grande. Ne soyez pas distrait par des futilités.